Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, votre rendez-vous plutôt rock'n'roll, c'est Lost in Space avec quelquefois des musiques bizarres. Mais aujourd'hui, on va rester dans un domaine beaucoup plus conventionnel du bon rock légèrement bruitiste, mais toujours mélodique de la côte est américaine. Et je veux bien évidemment parler des Phillies qui ont attaqué leur carrière il y a très longtemps, à la fin des années 70, qui ont joué au CBGB avec les Ramones, Blondie, Johnny Thunders et tous les gens de cette époque-là, et qui entre-temps ensuite développé un son beaucoup plus power pop peut-être, et donc on va retrouver une sélection qui va se rapprocher de ce style-là, et c'est parti jusqu'à minuit, go! Thank you. Segeir Ben Sheikh, c'est cet homme, elle me revient à l'esprit la tragique phrase de Duverrier. Le colonel met le pied à l'étrier et reçoit au même moment un coup de sabre. Segeir Ben Sheikh, il est là. Il fume paisiblement une cigarette du paquet que je lui ai donné. Mon Dieu, pardonnez-moi cette félonie. Safer, Le photophore jette sur le papier sa lumière jaune. Bizarre destinée, celle qui a 16 ans, sans que j'aie su au juste pourquoi, a décidé un jour que je me préparais à Saint-Cyr, a fait de moi le camarade d'André de Saint-Avit. J'aurais pu étudier le droit, la médecine, je serais aujourd'hui quelqu'un de bien tranquille, dans une ville avec une église et des eaux courantes, et non pas ce fantôme vêtu de coton, accoudé avec une anxiété inexprimable sur le désert qui va l'engloutir. Un gros insecte est rentré par la fenêtre. Il bourdonne, rebondit des murs crépis au globe du photophore et enfin, vaincu, les ailes brûlées par la bougie encore haute, il s'abat sur la feuille blanche, là. C'est un hanneton d'Afrique, énorme, noir, avec des taches d'un gris livide. Thank you. get off her first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Isn't me, have a seat. Let me clip dirty wings. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Got some rope, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Je songe aux autres, à ces frères de France, aux hannetons mordorés que par les soirs orageux d'été, je voyais s'élancer comme de petites balles du sol de ma campagne natale. Enfant, je passais là mes vacances, plus tard mes permissions. Lors de la dernière, dans cette même prairie, à côté de moi, marchait une mince forme blanche avec une écharpe de mousseline, à cause de l'air du soir si frais là-bas. Maintenant, c'est à peine si, effleuré par ce souvenir, je laisse une seconde mon regard s'élever vers un coin sombre de ma chambre, sur le mur nu où brille la vitre d'un portrait imprécis. Je comprends combien ce qui a pu me sembler devoir être toute ma vie a perdu de son importance. Ce mystère plaintif est désormais sans intérêt pour moi. Si les chanteurs ambulants de Rolla venaient sous cette fenêtre de Borge murmurer leurs fameux airs nostalgiques, je sais que je ne les écouterais pas. Et s'ils se faisaient trop pressants, que je leur signifierais leur chemin. Thank you. Qu'est-ce qui a suffi pour cette métamorphose ? Une histoire, un conte peut-être, conté en tout cas par quelqu'un sur qui pèse le plus monstrueux des soupçons. been here for way too long. Call me up and I'll be gone. I can't stay. It's got to be that way. Can't be alone. I guess that you know. I can't get along. Take it back, I belong. Ding dong. Sergey Herbenchek a terminé sa cigarette. Je l'entends qui regagne à pas lents sa natte dans le bâtiment B, près du poste de garde à gauche. We'll be right back. Notre départ devant avoir lieu le 10 novembre, le manuscrit joint à cette lettre a été commencé le dimanche 1er et terminé le jeudi 5 novembre 1906. Olivier Ferrière, lieutenant au 3e Spahi. Non seulement la politique étrangère de Moubarak était détestée et méprisée par le peuple égyptien, mais des parallèles ont toujours été établis entre la situation du peuple égyptien et celle de ses frères et sœurs palestiniens. Ces derniers ont été la principale source d'inspiration, pas Jean Sharp, dont j'ai entendu le nom pour la première fois dans ma vie, seulement en février, après que nous avons renversé Moubarak, et à qui The New York Times attribue de manière ridicule le mérite de notre insurrection. Même si certains groupes démocratiques ainsi que des frères musulmans autoritaires distribuaient son travail, sa méthodologie non violente était à peine présente dans le soulèvement. On est loin de l'affirmation égocentrique de Gene Sharp sur la jaquette de son livre, qui parle de la Tunisie, l'Égypte, le Yémen, la Libye et la Syrie, où les dirigeants du printemps arabe considèrent les idées de Gene Sharp comme la lumière qui guide leur mouvement, de tout entre guillemets. Même s'il voulait apparaître comme un grand-père blanc faisant briller son phare pour les Arabes arriérés, il faisait plutôt figure du clown mégalomane en revendiquant une affinité totale entre sa méthodologie non violente et les soulèvements en Égypte, mais aussi en Libye et en Syrie. and building a machine. I'm gonna get the Nobel Prize for modern engineering. Soldered some wires to my brain and I put it to a screen. Now I don't wanna scare you, but you will like what you see. I'm a fall night. Been up all night. my wife and child waiting for me. Got to go home, I've been so alone, you see. Ce que Gene Sharp promeut n'est pas une révolution, mais un changement de régime sans contenu social. Les mêmes formes d'oppression, d'exploitation, de pauvreté et de violence étatique se produisent dans tous les pays où des révolutions, entre guillemets, réussies selon sa méthode, ont eu lieu. Son héritage ne fut pas la révolution, le progrès de l'humanité, mais sa propre autopromotion et la propagation d'une autre forme de domination. Il est difficile de dire si Gene Sharp était motivé par un désir de célébrité. En plus des multiples nominations au prix de la paix, il fut proclamé le plus influent partisan vivant de l'action non violente par le Progressive Magazine, ou par une obsession esthétique de la démocratie, une sorte de névrose formaliste voulant que les gens dans le monde soient exploités, marginalisés, privés de moyens, privés de nourriture, emprisonnés, torturés, humiliés, en un mot gouvernés, par des gouvernements démocratiques et jamais par des dictatures. Cela pourrait être raisonnablement catalogué comme une forme de folie. Thank you. savoir ce qu'est seulement attendre que tu aies envie de me voir et ne plus supporter personne, vivre pour la solitude de tes femmes, téléphone. Je ne veux plus toujours comprendre, alors je préfère rester dans le noir. Il a le droit d'émettre un jugement sur l'ambiguïté de mon isolement, isolement. Je sais que tu n'as pas vraiment besoin de moi. Dommage que ce ne soit pas réciproque. Je dois donc te paraître disponible. Cette situation m'est bien pénible, pénible. Je ne veux plus toujours comprendre, alors je préfère rester dans le noir. Il a le droit d'émettre un jugement sur l'ambiguïté de mon isolement, isolement. Savoir ce que seulement attendre que tu aies envie de me voir et ne plus supporter personne, vivre pour la solitude du téléphone, téléphone. Que je vais subir ma violence, le cœur et l'âme tombés en cendres, et puis m'en aller en silence, en silence. Parcourant les pages de son ouvrage « De la dictature à la démocratie », nous trouvons de nombreuses preuves de sa pensée autoritaire et de son manque d'intérêt pour des questions vitales comme la liberté, la santé et le bien-être. Your mind's a wreck, but that's fine. It corresponds to mine. Automatic, automatic, automatic, automatic, automatic, automatic, automatic. New pleasure, baby, new pleasure. Well, whisper in my ear, we go away. New pleasure, new pleasure. Too weak for life, you have become. You can't get dressed, you're too numb. Sublime poses deep and true to life, and true to life, and true to life, and true to life, and true to life, and new pleasure, baby, new pleasure. Well, whisper in my ear, we go away. New pleasure, new pleasure. survive. A day's a week, the monster dozes deep in passionate, impassionate, impassionate, impassionate, impassionate, impassionate. New pleasure, baby, new pleasure. Well, whisper in my ear, go away. New pleasure, new pleasure. Yeah.